À partir de cette semaine, vous pourrez voyager avec nous en suivant notre émission La machine à remonter le temps et découvrir pourquoi on utilise si souvent ce proverbe Historia Magistra Vitae Est. Attachez vos ceintures. Le 13 février, un mois depuis la naissance de Francophile Radio. L'année 1806, Napoléon rompt avec Pie VII et devient lui-même ministre de Dieu sur Terre. Selon le catéchisme impérial, la France devait à ce nouveau ministre l'amour, le respect, le service militaire, les impôts, l'obéissance et la fidélité. 1895, les frères Lumière ont tourné le premier film nommé La sortie des usines Lumière. 1972, Led Zeppelin se voit forcé d'annuler un concert qu'il devait donner à Singapour. Les officiels n'ont pas laissé les membres du groupe quitter leur avion sous prétexte qu'il avait les cheveux trop longs. La société singapourienne est réputée pour son fort conservatisme.